Exercice 1. Quelle belle vue! 1. Quels beaux arbres! 2. Qu'est-ce qu'il y a comme plage? 3. Quels endroits magnifiques! 4. Quel temps horrible! 5. Quelle jolie saison! 6. Qu'est-ce qu'il y a comme forêt? 7. Quelle montagne merveilleuse!